France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà, joie et bonheur. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 169. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total fautrac où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 6 septembre 2009, 11h05. Bonjour à toi, l'ami! Alors, ce matin, nous amorçons ici notre cinquième saison et nous sommes très heureux de vous retrouver. Cela dit, franchement, tout ça, là, c'est grâce à qui? Hein? C'est grâce à qui? Attends, c'est quand même grâce à moi, tout ça. Quand j'ai nommé Blueberry, là, à la présidence de Radio France, qu'est-ce que je lui ai dit? Surtout, tu touches pas l'équipe du Mangin Palace. Tellement il t'aime des costards tous les week-ends, tellement j'ai l'impression d'être sapé comme un prince toute l'année, tellement ça me coûte pas un centime, hein? En revanche, comme j'arrive toujours pas à me cirer les pompes correctement, bah, je me suis acheté 3 paires de mocassins Prada à 6 000. Bah, c'est mes fournitures de rentrée, hein. Tu n'es pas content, c'est pareil. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace revient avec son beau barnum burlesque consacré aux actualités manipulées par le prince du monde. Alors, chers amis, communions ensemble durant 53 minutes au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux audiorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office freudien, durant lequel, ce matin, nous voyagerons de La Rochelle à la Suisse. Dans la foulée, justement, nous te révélerons comment le ministre du budget, Éric Woerth, compte réellement faire revenir en France les ennemis de la nation, les évadés fiscaux. Ensuite, nous descendrons subrepticement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où nos joyeux fantômes radiophoniques ont échappé de justesse mercredi soir à une vaste entreprise de piratage. Une étrange histoire d'espionnage que nous ausculterons ici avec délectation. Immédiatement après, nous te dévoilerons cette curieuse journée qu'ont vécu Jean-Claude et Monique cet été lors de leurs vacances en bord de mer. Et puis, nous enchaînerons par les tribulations de notre facétieux reporter à la recherche d'une définition de la mardité. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni rouvre ses portes, bien entendu, pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien, et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et coupe-toi la frange. Toutes celles qui portent la frange à la Kate Moss. Qu'est-ce que ça m'énerve? J'entre au coast boire un verre, mais la serveuse me pompe l'air. J'ai pas la réservation, je ressors, j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. J'ai un cadeau à faire de chez Zadi et Voltaire. Le pull où c'est marqué rock, mais y'a la rupture de stock. VIP, à plein de Lamborghini. Moi j'arrive sur mon Vespa, on me dit tu rentres pas, ça m'énerve. J'entre chez Weston, une blonde ass au téléphone me dit je peux vous aider? Non, je vous ai pas sonné, elle m'énerve. Mon dieu, elle m'énerve. J'ai bu le mojito au milliardaire. Dans le carré, j'ai tout vomi par terre. J'ai perdu mon ticket pour le vestiaire. Je trouve pas de taxi, ah, c'est la guerre. Ça m'énerve tous ces gens qui font la queue chez la durée. Tout ça pour des macarons. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. Ça m'énerve. Toutes celles qui dansent sur le dance floor comme des princesses. Ça m'énerve. Si t'as la blancarde, ben tu verras leur fesse. Ça m'énerve. Ah, ja, ça m'énerve. C'est le gimmick d'Helmut Fritz avec lequel nous inaugurons ce matin notre cinquième saison. Et oui, c'est la rentrée pour tout le monde. Service après-vente, bonjour. Vous avez passé de bonnes vacances? Oui, merci. Bien reposé? Oui, c'est... Vous êtes prêt alors? Oui, pour la rentrée. Non, pour la grippe! La grippe A qui est venue pour me sanctionner! Oui, Malleus Maleficarum, Maitreya! Bien, vois-tu, avant que l'apocalypse grippale ne nous tombe sur le coin du nez, le mieux sans doute à 11h11, c'est de reprendre tes douces habitudes dominicales et de te vautrer confortablement, bien sûr, afin que nous amorcions ensemble les modestes péripéties laïques de ce 169e épisode du Mangin Palace. Avant tout, souviens-toi, au mois de juin dernier, nous nous étions arrêtés sur une gifle électorale pour les socialistes. C'est pourquoi ce matin, la petite session freudienne de M. Divan Beaujolais va commencer par prendre des nouvelles de l'ambiance sur le port de La Rochelle le week-end dernier. Ensuite, nous entrerons dans la quatrième dimension d'Éric Besson et enfin, nous découvrirons le visage du nouveau Robin des Bois. Enfin, à peine on y croit. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Au hasard. Cette histoire est tirée de faits réels. L'université d'été du Parti Socialiste, ça démarre fort à La Rochelle. Je suis venue te chercher parce que je me fais beaucoup de soucis pour toi. En ce moment, je te trouve très tendue. Pas de réticence, pas de chichi. Les relations entre Martine Aubry et Ségolène Royal sont normalisées. Ça se remarque tant que ça? Non, les autres, je sais pas, moi je te connais. J'ai toujours pensé que le PS devait s'ouvrir, devait s'élargir, devait respirer, devait tendre la main. Maintenant que le vent est tombé, si nous passions à table. Mais s'il y avait une rénovation, des changements dans nos méthodes, sans être capable de lier la refondation des idées à la refondation du parti, je crois que nous échouerons. Nous devons lancer les deux de pair, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui à La Rochelle. Aubry annonce un référendum militant le 1er octobre qui portera justement sur les primaires, le non-cumul des mandats et la parité. Une façon de tenter de se relégitimer. Pour ce qui est d'une éventuelle alliance avec le modem de François Bayrou, vous voulez vous taire ? Martine Aubry. La modernité, ce n'est pas la nouveauté dans les photos de famille, c'est la clarté dans les choix politiques. Hé, Mettez-vous tous en place pour la photo. Nous sommes ouverts, mais cela doit être fait dans la clarté. Et aujourd'hui, la réponse doit venir de Monsieur Bayrou, dans la transparence, si c'est sa conviction. Et il y aura bien de la confusion quant à la localisation exacte des choses. Et ainsi, personne ne saura vraiment où sont les petites choses avec une espèce de... Premier invité ce soir, Éric Besson, le ministre alors de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Bonsoir Éric Besson et bienvenue. Bonsoir. Tu t'es déjà demandé si tu déconnes pas délibérément, juste pour rester là-dedans ? T'as pas tort. Alors, il s'appelle Chama, c'est un garçon de 5 ans, il est né en France, il est laissé seul aujourd'hui, sur le carreau, à Saint-Denis, près de Paris. Parce que son père, originaire d'Angola, a été arrêté, placé dans un centre de rétention. Et ce soir, la justice a décidé que ce papa, en situation irrégulière, il est seul à s'occuper de son fils, eh bien, est désormais expulsable. Bon, d'abord, les situations humaines, on en tient compte. Vous étiez au courant de cette histoire, du petit Chama ? Non, et je dois vous dire qu'après une expérience sur France Inter il y a quelques semaines, j'ai décidé que je ne commenterai plus jamais en direct... Je viens d'apprendre que la justice, vous venez de le dire, aurait décidé le maintien. Je ne commente plus en direct, parce que d'abord, je n'ai pas tous les éléments du dossier. Et deuxièmement, parfois, vous pouvez vous tromper sur tel ou tel détail. Et telle ou telle personne mal intentionnée, c'est très rare, peut dire c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je croyais avoir touché le fond de la honte et la vie nous en apprend tous les jours. La question sensible des bonus versés aux traders et la lutte contre les paradis fiscaux sont au programme. Et sur ce point, la France affirme disposer d'une liste de 3000 contribuables qui possèdent des comptes non déclarés en Suisse. Le ministre du budget a été très clair. Oui, je t'aurai, je vais utiliser mon rayon. C'est pas du bluff, j'ai une tête à bluffer. Non, pas ça! Eh oui, en début de semaine, nous avons donc appris que le ministre du budget détient une liste de 3000 fripouilles qui auraient planqué leur thune en Suisse. Très bien. Et là, tu réfléchis et tu te dis... Attends, primo, fin août, on a convoqué les banquiers à l'Élysée. Et maintenant, voilà qu'on s'attaque aux fraudeurs fiscaux. Oui, aucun doute n'est permis, Éric Woerth et M. Sarkozy ont vraiment changé durant l'été. Dorénavant, ils forment un nouveau duo de Robin des Sous-Bois, même si naturellement, ils se posent encore quelques questions. Oh, mais tu te fais beaucoup trop de tracas, compagnon. Je me pose une question. Sommes-nous d'honnêtes ou de malhonnêtes gens ? Est-ce que c'est bien de dérober aux riches afin de nourrir les pauvres ? Quoi ? C'est là une expression peu convenable. Nous autres, nous empruntons à ceux qui ont trop de fortune. Empruntons ? Ah, voilà qui annonce encore un jour de quête pour les pauvres, un vaillant compère. Oui, merveilleuse charité. Eh oui, c'est une évidence, à la tête du ministère du budget se trouve désormais Robin des Sous-Bois. Et d'ailleurs, tu n'aimerais pas être à la place... de ces 3000 fraudeurs-là. Tu aurais peur, bien sûr, car ils ne doivent plus trouver le sommeil puisqu'ils vont immédiatement se faire maraver la face. Eh ben, comment dire, pas tout à fait, car dans un premier temps, ils ont 4 mois pour se présenter au fisc afin de régulariser leur situation. Attends, Robin des Bois, oui, mais de droite quand même. Je te rappelle que toi, si tu as 24 heures de retard dans le paiement de tes impôts, c'est le 15 septembre d'ailleurs, tu ramasses 10% d'amende sur le champ. Cela dit, attention, première subtilité, il ne faut pas confondre ces 3000 resquilleurs avec ceux qui se sont réellement installés en Suisse, car ceux-là ont choisi l'exil, et franchement, ce ne fut pas si facile. Que bonjour, monsieur le douanier suisse. Oui, rebonjour, monsieur Olité. Ça fait 6 mois et 1 jour que je peux rentrer en France. Eh bien, comme nous vous l'avons déjà dit il y a un quart d'heure, il faut attendre 6 mois et 1 jour, normalement. Ah, que oui, ça, je le sais, bon, j'ai compris. Que je vous demande si là, ça fait 6 mois et 1 jour, déjà. Parce que Johnny s'embête, hein, dans sa maison à bois de Suisse, là. Alors non. Là, comme nous vous l'avons déjà dit hier, ça ne fait que 1 mois et 4 jours que vous êtes résident en Suisse. Ah, que non, que hier, que tu m'as dit que ça faisait 1 mois et 3 jours. Oui, alors, bon, quoi qu'il en soit, il faut encore attendre. Ah, que d'accord, merci. Que j'attends. Oui, mais voyez-vous, monsieur Holliday, vous pouvez pas attendre ici, on a du travail. Ah, que ok, oui, que je comprends. Oh. Oui, il faut bien faire la nuance entre les fourbes émigrés fiscaux, type Johnny, et les 3000 personnes en question, des escrocs, qui sont des contribuables français et qui disposent en toute illégalité de comptes secrets en Suisse. Bon, alors quelles sont les options qui se présentent à Eric Woerth, Robin des Sous-Bois, pour collecter cet argent qui revient à l'État, bon sang? Eh bien, primo, je ne sais pas pourquoi, mais on a du mal à imaginer qu'un seul de ces 3000 arnaqueurs se pointe à la brigade financière de Bercy de son plein gré en leur disant « Bon, ok, j'ai déconné, mais bon, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. » Je voudrais tout de suite, en premier lieu, remercier tous ceux qui, dès le départ, y ont cru. C'est vrai que racheter une centrale nucléaire avec l'argent des Restos du Cœur pour en faire une crèche, c'était déjà pas gagné. Mais brûler le tout pour payer avec les assurances la campagne électorale d'un ancien nazi, alors là, on était très peu à y croire. Et puis c'est la magie de ce métier qui fait qu'il y a toujours des hommes pour enfoncer d'autres hommes et les enfoncer jusqu'au bout. Alors, ma première pensée va vers ceux qui m'ont, dès le départ, au début de ma carrière, encouragé, formé, motivé, poussé. Je veux bien sûr parler de mes professeurs à l'ENA. Sans eux, je ne serais pas devenu ce que je suis et peut-être je serais l'abbé Pierre. Ah ben oui, quand un type planque illégalement son fric en Suisse, plutôt que de participer à la collectivité nationale, on sait à qui on a affaire, non? C'est pourquoi le mea culpa paraît assez peu envisageable, malgré les menaces qui pèsent sur eux après le 31 décembre. Remarque, d'ici là, ils auront tous eu le temps de déplacer leur oseille dans un autre paradis fiscal, et quand cette liste sera rendue publique, on connaît par cœur leur ligne de défense. Je sais pas remplir ma feuille d'impôt, comme j'aime être franc, c'est ce que je dirais, y'a pas d'euros qui soit plus vrai. Je sais pas remplir ma feuille d'impôt, comme j'aime être franc, c'est ce que je dirais, y'a pas d'euros qui soit plus vrai. Je sais pas. Tu sais que c'est drôle, mais je me sens pas coupable, ni pourri, ni traître, juste content d'être riche. Bon, revenons à ces menaces proférées par le ministre du Budget. Alors, même si certains spécialistes financiers et vipérins affirment que cette liste n'est qu'un simple coup médiatique destiné à rassurer les classes moyennes, puisque le montant de ces fraudes ne dépasserait pas les 75 millions d'euros, une broutille dans le budget de l'État, il n'en demeure pas moins que la morale républicaine voudrait au moins qu'Eric Woerth agisse promptement et avec fermeté. Cela dit, on comprend ses réticences, car s'il vient chatouiller de trop près ces individus sans scrupules, M. Woerth ignore dans quel état il pourrait bien rentrer chez lui le soir. Tu n'as pas de l'alcool à 4 ans années, je dois être coupé partout. Que voilà-t-il là ? Bon, si c'était que ça, j'ai été attaqué par un contribuable complètement cinglé, sa femme m'a mordu puis m'a enfermé. Ah, dis-donc, ils sont dangereux, les contribuables, ces amis. Ouais, absolument. Et heureusement que la police est venue me délivrer, mais alors après, il a fallu aller au commissariat, témoigner, tu sais ce que c'est, ça prend des heures. Et je te fais mal. Non, c'est rien. Ça, mais il faut que je fasse. Voilà. Je suis désolé. C'est pas de chance, hein. C'est pas grave. Puis alors, le type était drôlement costaud. Heureusement que j'ai fait de la boxe, j'ai eu un mal fou à les enfermer tous les trois dans l'armoire. Tous les trois? Mais je croyais qu'ils étaient deux. Non, parce que... ils étaient avec un ami qui est venu après. Après quoi? Ben, après que je les ai enfermés dans l'armoire. Alors, avec la femme, ça faisait quatre? Non, bah parce que moi, comme ils m'ont enfermé dans l'armoire... Dis donc, alors... t'as fini de te foutre de moi. Au final, voici peut-être le conseil le plus sage de cette histoire suisse. Il ne faut rien attendre de cette liste de fraudeurs. Sinon, le 31 décembre prochain, là, date limite accordée aux escrocs pour qu'ils se dénoncent, nous qui aurons d'ici là honnêtement payé nos impôts et avec la conscience généreuse de l'intérêt général, dis-moi... de quoi on aura l'air le 31 décembre? C'est le moment des pintades. Vous voulez leurs photos et leurs recettes. Elles vous en font cadeau. Et oui, savoureuses et succulentes, les pintades sont maintenant accompagnées de délicieuses recettes. Pintade à l'alsacienne, pintade tour d'argent, pintade à la Jean Cocteau, pintade à la tourangelle, pintade en salmi. Faciles à préparer, les pintades aux photos recettes honorent votre table de leur délicate saveur de gibier. pintade au repas, repas de gala. I move around this world and I take my time. I ain't fooled by gold or the diamond mine. I don't ask for more and I don't mind dying. But don't try to sell me cause I ain't buying. You can take me, shake me, you won't make me. You can take me, shake me, you won't make me. You should make you holler to move for a taste of a spoon. But I ain't going nighttime. I ain't going nighttime. Lights and the banks and the distant skyline. I can hear the admin jingling tunes. Lord, I can see the signs, but I just walk by. Though I long to hear the sound of the fishes blue. Going to Night Town, c'est le nouveau titre de Son of Dave. Et nous, à la panique, le son de Dave, on aime vraiment ça. Bien. Après avoir profité du grand air des montagnes suisses, et surtout des grands montages bancaires qui ne manquent pas d'air, la panique au Mangin Palace a le grand plaisir de rouvrir dès à présent à 11h26 sa curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Et cette semaine, notre Bernard l'Ermite a cherché à entrer dans le Tsar System, puisqu'avec les fantômes des voix de Lina, ils sont partis en visite dans la perle de toutes les Russies. En effet, il y a 18 ans aujourd'hui, le 6 septembre, Leningrad redevenait officiellement Saint-Pétersbourg suite à un référendum qui avait eu lieu quelques mois plus tôt. Ainsi, écoutons avec attention ce que nous rapporte notre Bernard l'Ermite planqué dans sa boîte d'archives et qui a croisé pour nous Pierre le Grand, Boris Yeltsin et ce bon vieux Vladimir Poutine. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, on était tout embrouillés. Mercredi soir, nous avons échappé de justesse à une vaste entreprise de piratage, entièrement orchestrée par un ex-agent du KGB. Au sommaire ce soir, Boris joue et gagne. Victoire au premier tour pour Boris Yeltsin, qui devient le premier président élu au suffrage universel de la Fédération de Russie. Dans la foulée, les habitants de Leningrad demandent qu'on rebaptise leur ville Saint-Poutinsbourg. Sans tarder, on a contacté notre agent infiltré pour comprendre ce qui se passait. Allô Leningrad ? Le carillon de la forteresse Pierre-et-Paul résonne dans tout le centre baroque de Saint-Poutinsbourg, de Leningrad, de Saint-Poutinsbourg. Je me trouve quelque part sur les quais, entre la Neva et le palais de l'Ermitage. Mais il y avait trop de fritures sur la ligne. Alors, on est retourné aux origines. Leningrad, qui s'appela d'abord Saint-Poutinsbourg, Saint-Pétersbourg, est sorti du désir d'un homme. La ville a été fondée en 1703 par Vladimir Vladimirovitch Poutine, Pierre le Grand, qu'il a sorti des marécages à grands coups de travail obligatoire et au prix de beaucoup de vies humaines. On avance le chiffre de plusieurs dizaines de milliers de personnes mortes à la tâche. notre investigation avançait, mais nous n'avions toujours pas trouvé le parasite. Alors, Pierre Dex a sorti sa botte secrète. Leningrad est le berceau de la révolution soviétique. C'est là qu'il y a eu le coup d'État qui a donné le pouvoir à Lénine. Moscou n'a pas été la ville du berceau de la révolution. Moscou est devenue la ville du pouvoir de Staline. Tandis que l'histoire des gens de Leningrad est l'histoire d'une ville frondeuse. Elle a toujours incarné pour Staline la ville dangereuse. Au nom de Staline, Poutine est sorti de sa cachette. L'agent secret était débusqué. Alors, pour le punir et l'humilier, Cécile Sorel lui a raconté sa rencontre, au début du XXe siècle, avec le dernier tsar, un homme charmant, lui. Le grand-duc Boris va me chercher à la fin du spectacle pour me conduire jusqu'à l'empereur de toutes les Russies. Il me parut timide et doux. Il m'avoua qu'il aimait la France, qu'il avait accueillie d'un grand cœur. Je lui répondis par un compliment sur son beau pays et cet hiver nordique. La ville de Pierre le Grand semblait transposée dans un monde de légende. Oui, dit le tsar, qui souriait à mon enthousiasme, en ce moment c'est très beau, mais quittez-le, ce pays, avant le dégel, car toute cette pureté, cette magnificence du paysage deviendra de la boue. Au printemps. Et il répéta, les yeux lointains, captés par un mirage, oui, de la boue. Rendu fou de jalousie, Poutine s'est mis à hurler que c'était lui, Pierre Ier, Pierre le Grand, plus couramment appelé Peter. Et malheureusement, Cécile Sorel l'a cru. Ah, Peter, c'est lui, il veut. Ah, mais Peter, je ne comprends pas. Je vous ai vu mourir. L'explication est simple. Je ne suis pas Peter. Je suis Peter, son frère jumeau. Mais Peter, je ne savais pas que Peter avait un frère du nom de Peter. C'est que, voyez-vous, nous portions les mêmes vêtements. Alors, quand Peter sortait, je devais rester à la maison en sous-vêtements. Je persiste à croire qu'il y a un scandaleux abus de Peter. En plus, Lénine doit se retourner dans sa tombe. Mais ce qui est certain, c'est que Leningrad a séduit M. Raymond Barre. Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette escapade sur le delta de la Neva. Mais à Saint-Pétersbourg, nous, on Neva pas, puisqu'il est l'heure de nos actualités locales avec notre décrochage régional. Direction Grosboule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h32, il est grand temps de retrouver nos deux héros tout beaux et tout bronzés. Les voici qui s'avancent, accueillons Monique, la niniche, et Jean-Claude, le chouchou. Eh oui, pour eux aussi, les vacances sont finies. Surtout que cette année, il a fallu se la jouer serrée question budget pour faire face à la guerre de récession. Ainsi, cet été, Monique était bien remontée face à l'impudence des traders, qui se régalent de bonus, face aux restaurateurs là, qui n'ont pas baissé leur prix, face au travail le dimanche, et surtout, face à notre système économique qui n'a pas été corrigé, mais simplement sauvé. Oui, cet été, Monique, elle était bien remontée. T'as pas le temps quand tu bosses. En fin de compte, t'as le temps de rien faire. T'as le temps d'aller bosser, tu vois. Et puis une fois que t'as bossé, faut que t'ailles faire tes courses, faut que tu fasses ceci, tes week-ends, t'as pas le temps d'en profiter, rien. Et c'est quoi de bosser en fin de compte ? Ben c'est de faire chier quoi. En fin de compte, les entreprises de toute façon, les patrons, ils en ont rien à péter quoi. Toi, une fois qu'ils ont envie de te virer, eh ben ils te virent. Et toi, qu'est-ce que tu fais de toute façon ? C'est vrai ça. Qu'est-ce que tu fais de toute façon ? Jean-Claude se pose la même question et Monique lui explique que l'idéal serait de déclencher une grève générale illimitée. C'est alors que Jean-Claude a une idée incroyable. Si c'est une grève que veut Monique, il va lui offrir pour la fin des vacances. Et c'est ainsi que Jean-Claude a chargé son camping-car, qu'il y a fourré Monique dedans et qu'ils sont partis au bord de la mer en Bretagne, précisément dans les Côtes d'Armor, à Saint-Michel en grève, bien entendu. Nous étions alors le 20 août Et à peine arrivée dans le petit village de Saint-Michel-en-Grève, Monique a été très surprise de ce qu'elle a vu sur la plage. Cet homme qui marche sur la plage, cet homme qui parle au nuage, cet homme est un homme sans étoile, sans personne au monde et sans amour. Et cet homme sans amour qui marche sur la plage, c'est évidemment François Fillon, notre Premier ministre, venu là pour constater l'ampleur des dégâts causés par ces fichues algues vertes. Jean-Claude n'en revient pas. François Fillon est là, sur la plage. Il se précipite pour dire au Premier ministre combien il est confiant dans son action contre la marée verte. Je ne connais personne d'aussi cinglé que toi pour aller se frotter aux monstres aux plantes. François Fillon reste quelque peu interdit face à cet individu qui vient lui parler. François, ça fait des mois que personne ne fait attention à lui, que plus personne ne lui adresse la parole et qu'il se fait sans cesse rabaisser par président Sarkozy. Et François Fillon est d'autant plus étonné car Jean-Claude lui donne aussitôt des conseils pour trouver une solution à la malédiction de l'algue verte. C'est très simple de cuisiner les algues. La manière la plus simple, c'est d'utiliser des algues sèches. Ensuite, vous pouvez les utiliser comme des aromates, comme du persil ou de la coriandre. Vous saupoudrez une sauce, une soupe, n'importe quel plat. Vous pouvez aussi les réhydrater en les plongeant dans l'eau. Ça vous permet de faire des salades. Elles sont excellentes pour la santé. D'abord, pour les sels minéraux. Elles en contiennent largement plus que n'importe quel fruits ou légumes que vous pouvez rencontrer sur la terre. Sans remplacer totalement la viande, vous avez beaucoup de protéines dans les algues. Et ça, c'est intéressant pour les gens qui veulent diminuer leur consommation en viande, en particulier. Elles sont excellentes pour maintenir notre équilibre cardiovasculaire et pour diminuer les risques de vieillissement prématuré. François Fillon est aussitôt très intéressé par ce que lui dit Jean-Claude. Et il pense même un instant en faire son conseiller en question environnementale, oubliant quelque peu ces algues vertes gracieusement offertes par l'industrie intensive, sont dangereuses pour la santé, voire tueuses. Quoi qu'il en soit, François Fillon sent poindre un sentiment amical pour notre Jean-Claude. D'ailleurs, celui-ci profite d'être à côté du Premier ministre pour lui faire une confession très intime. Je m'appelle Jean-Claude et le 23 juillet dernier, je ne suis pas mort. Oui, le 23 juillet dernier, Jean-Claude n'est pas mort. Bon, d'accord, et alors ? Eh bien, Jean-Claude demande alors à François Fillon s'il a des informations confidentielles sur ce qu'il est réellement arrivé à Nicolas Sarkozy le 26 juillet dernier, lors de son malaise vagal. Et là, François, confiant, dit secrètement à Jean-Claude que l'on était à deux doigts de revivre un moment pompidolien. Jean-Claude est sidéré quand il imagine la situation. Ah, mais une dépêche m'apprend à l'instant une bien triste nouvelle. Le président Nicolas Sarkozy est mort. Nous nous rendons tout de suite à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine où se trouve notre correspondante permanente en banlieue ouest, Sonia Dumarquis. Sonia, c'est donc officiel, le petit père de la nation n'est plus. C'est officiel, Boris, je me trouve actuellement sur la place Balkany face à l'hôpital et d'ici je vois la fumée noire sortir des cheminées du bâtiment. Il n'y a aucun doute, à 87 ans, alors qu'il entamait à peine son 8e mandat, le phare de la pensée nous a quittés. Autour de moi, la tristesse domine. On trouve ici tous les fidèles de Nicolas Sarkozy, que son âme repose en paix. On s'en doutait, c'est bien le clone de Nicolas Sarkozy, béni soit son ADN, qui assumera désormais les fonctions laissées vacantes par son modèle. Il vient de faire son apparition à la porte du laboratoire, un clone en tout point semblable à l'original, 1m90 pour 85 kg, les yeux gris acier, la peau hâlée de l'aventurier que rien ne peut effrayer. Une démarche assurée, on se réjouit de retrouver un Nicolas Sarkozy frais et énergique, comme lors de son premier et mémorable quinquennat. Que sa semence soit honorée, Nicolas Sarkozy est mort, vive Nicolas Sarkozy 2.0. François Fillon rassure tout de suite Jean-Claude, Nicolas Sarkozy va bien, il va très bien même. Il est en grande forme et on peut d'ailleurs s'attendre à une bonne fournée de nouvelles réformes. Mais à ce moment précis, quand François Fillon prend conscience que le président risque d'être là pour longtemps, Il est envahi par un sentiment d'angoisse, car son calvaire va durer. Et François s'éloigne alors dans un geste de rage et de dégoût pour vivre sa détresse en solitaire. Il veut être seul. Laissez-moi seul! Tout seul, vous entendez? Je ne demande rien à personne, mais je veux qu'on foute la paix! La paix! Allez, défilez! Oh, je suis fatigué, laissez-moi. François! Et j'ai plus confiance. C'est fini. Fini, vous entendez? Eh, dites donc les gars, il y a une place à prendre. Une bonne petite place, un bon petit boulot. Avec des heures supplémentaires. Alors allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Un bonheur, là, tout un petit bonheur. Hein? François, tu devrais sortir. Ça sort en vrai. Quoi, François? Quel François? Il y en a plus de François, je connais pas. Je connais pas, il y en a plus de François nulle part. Nulle part, alors laissez-moi. Foutez-moi la paix, allez-vous-en. Foutez-moi la paix! François, on te connaît! T'es un bon gars! Ne t'obstine pas! Et sur la plage de Saint-Michel-en-Grève, un toponyme bien symbolique en cette rentrée un peu atone, la foule a beau appeler François Fillon, rien n'y fait. Les algues vertes collées aux semelles, le Premier ministre part sans se retourner. Depuis, Monique et Jean-Claude sont rentrés chez eux à Grosboul-les-Bains. Pourtant, hier matin, Jean-Claude a été très surpris de trouver dans sa boîte aux lettres un courrier à en-tête de Matignon. C'était un message de M. Fillon pour Jean-Claude, son ami, un matin, sur une plage, pendant les vacances. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. Et en effet, François Fillon est resté très nostalgique de cette belle rencontre qu'il a faite cet été sur une plage de Bretagne. Il faut dire que pour lui, le retour à Paris n'a pas été simple, puisqu'il a dû se fader toutes les photos de vacances du couple Sarkozy. Et franchement, l'ambiance au Cap Nègre était bien loin de la douceur armoricaine. Malibu banane, s'il vous plaît. Malibu banane pour des crevasses. Bravo, hein. Ça fait plaisir de revoir le Didier Travolta au Gin Fizz. Pas mal, hein. Je suis content que tu sois inscrit. Mais il va falloir bosser. Quoi? Depuis que t'as fermé les rideaux, les corbeaux se sont posés sur la trinque. Il y a du nouveau. Il y a des jeunes. Angelo Materazzo, Gilles Rital. 37 concours, 36 victoires, va falloir t'accrocher. Il danse à trois. Chorégraphie simultanée, carré magique. Tout le chassé latéral. Il a repris ce que tu faisais de mieux. En mieux. Bien. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h42, après avoir découvert cet intense moment de vie entre deux hommes cet été sur une douce plage bretonne, il est l'heure de retrouver notre petit reportage Made in Panic, toujours orchestré bien sûr par Monsieur Julien Dugast. Mais pour cette nouvelle saison, notre facétieux reporter a décidé chaque semaine d'aller rendre visite à des universitaires et d'évoquer avec eux un mot de vocabulaire. Soit le mot de la semaine, soit un mot qui leur est cher. Et ce matin, Monsieur Dugast nous revient de Brest même, où il a tendu son micro à Monsieur Fabrice Boutillon, historien et maître de conférences à l'Université de Bretagne occidentale. Ainsi, pour amorcer cette nouvelle série, ils ont évoqué ensemble un néologisme digne de l'esprit qui nous anime au Mangin Palace, néologisme inventé par Fabrice Boutillon et que nous allons découvrir, chers amis, juste après la virgule. Avec les lettres W, Q, je forme le mot « wacht ». Consonne, M, voyelle, A, consonne, R, consonne, D, voyelle, I, consonne, T, voyelle, E, mardité. La mardité, mais c'est une très longue, c'est une très longue histoire. Ça ne tiendra jamais dans votre boîte. Est-ce que vous pouvez me le faire tenir en 4 minutes, la mardité? Je ne pense pas que je puisse faire tenir la mardité en 4 minutes. Mais bon, c'était un terme que j'avais inventé justement dans le cadre d'une réflexion sur le phénomène totalitaire et aussi sur justement ce qui est important en politique. Et l'idée que j'avais, c'est que justement le phénomène totalitaire a marqué la fin d'une époque et qu'on peut appeler l'époque post-moderne. Je peux vous dire que Tavernier, c'est peau de sinécure. Ah, c'est pas faux. J'ai jamais su ce que ça voulait dire, sinécure. Moi non plus. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Pour les historiens, on distingue classiquement 4 périodes. Vous savez, l'histoire antique, l'histoire médiévale, l'histoire moderne qui commence avec la découverte de l'Amérique et qui s'arrête au coup d'état de Bonaparte, et après ce qu'on appelle l'histoire contemporaine. Et moi, il me semble que cette histoire contemporaine, justement, elle va de la Révolution française à la chute du mur de Berlin, précisément parce que le phénomène totalitaire qui s'achève en Europe avec la chute du mur de Berlin, il est né de la Révolution française. Et du même coup, depuis la chute du mur de Berlin, on est dans une autre période. Il fallait bien la nommer, vous voyez. Ouais, c'est pas faux. Je me suis souvenu que, justement, avant les temps modernes, vous avez le Moyen-Âge, qui est une période sacrale, donc le dimanche. Pour les temps modernes, on peut dire justement le lundi. Et pour les temps qui suivent les temps modernes, j'avais proposé justement la mardité. Pour le bal du Mardi Gras, moi je commence à me préparer. Il y a des beaux prix à gagner pour ceux qui vont être costumés. Dans le temps du carnaval, c'est le beau temps de s'amuser. Danser, rire et chanter, le carême va commencer. C'est que la période post-moderne, elle allait de la Révolution française jusqu'à la chute du mur de Berlin. Donc la mardité, c'est quelque chose qui suit la post-modernité, on peut le dire comme ça. Lundi Caroline, mardi Véronique, mercredi Céline, jeudi Angélique. Donc si mon oreille néophyte a bien compris, et il nous reste le mercredi, le jeudi. Mais c'était justement une manière de nier ma propre entreprise du dedans. Je veux dire que prendre ces termes-là, c'était aussi une manière de dire que tout recommence, que justement, il n'y a pas un sens de l'histoire, vous voyez, qui permettrait de dire précisément où est l'important. Vous voyez, beaucoup de choses que nous croyons récentes ou neuves, en fait, répètent simplement des phénomènes beaucoup plus anciens. Et effectivement, dans l'invention de ce mot, il y avait cette idée de rappeler cette dimension répétitive et cyclique de l'histoire. Et de rappeler aussi qu'on est tout petit quelque part, non? Oui, on peut le dire comme ça. Écoutez, vous êtes-vous jamais demandé ce que vous faites ici? Non. Mais vous n'avez pas eu envie de le savoir? Non. Tout au long de l'histoire, on a vu des hommes et des femmes s'efforcer de trouver une solution au grand mystère de l'existence. Bravo! Eh bien, ces gens-là, c'est les philosophes! Oh. Et alors, c'est de ça que nous allons parler? Voilà, oui! Oh, c'est chic! Bien! Mais le mercredi, vous allez l'appeler comment, alors? Je vous laisse le soin de trouver cela. Vous allez le faire beaucoup mieux. Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Alors, résumons. De l'Antiquité à l'époque moderne, nous aurions vécu le dimanche, jour du Seigneur, puisque le pouvoir fut de droit divin, l'art fut religieux, et chacun ne cherchait que le salut de son âme. Puis, la Révolution s'est pointée avec son émancipation laïque, et d'un coup d'un seul, nous nous serions retrouvés à vivre le lundi. Et enfin, selon Fabrice Boutillon, depuis la chute du mur de Berlin, nous sommes entrés dans une ère post-moderne qu'il faudrait appeler la mardité. Tout un programme à inventer. Franchement, on ignore tant de choses. Saviez-vous que le musée d'Ajaccio possède un spermatozoïde de Napoléon? Saviez-vous que le 29 mai 1968, le général de Gaulle buvait du Gros Rouge avec un garde républicain à la station de métro Ballard? Saviez-vous que grâce à la position du missionnaire aérien, la France comptera 110 millions d'habitants. Quand on a quitté la ville dans ton automobile pour aller à la chasse au Caille-Île, et avec un ciel d'azur, on a pique-niqué sur une malle de paille. touchait. Mais on est revenu, sitôt qu'il a plu. Sans une caille, sans un canard, sous les nuages noirs, l'orage a fait tomber sur nous toute la pluie du ciel. L'orage nous a surpris, mais en attendant l'arc-en-ciel. Moi, je me suis abritée sous ton grand ciré. L'orage, c'est France Gall qui nous raconte ses vacances à San Remo en 1969 parce que de San Remo en Italie à Arzano dans le Finistère, on a tous un peu peur de l'orage. Bah si tous les sujets de Bretagne qui picolent se prennent un coup de tonnerre, il va y avoir une sacrée chute démographique, je vous le dis moi. Alors maintenant, à 11h51, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace rouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose toujours d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et, afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse de cette rentrée, camarade ? Eh ben, tout d'abord, le quotidien bulgare Trud. Trud. S'est intéressé au garage du ministre de la Défense à Sofia. Bon, dans un garage du ministre de la Défense, on s'attendrait à trouver, bon, je sais pas, moi, des jeeps, des katyushas, des chars d'assaut, enfin des trucs de couillus, quoi. Eh bien, Trud nous apprend qu'en Bulgarie, l'armée s'est équipée de 2 indispensables grosses berlines roses. Ah, c'est très étrange. Pardon, excusez-moi, j'entends dans mon casque une remarque de Marie-Christine qui nous écoute à Bergerac. Oui, parce qu'il faut rappeler à tous les auditeurs que nous entendons ici tout ce que vous dites à côté de votre transistor. Et on en entend des trucs. Oh là. Donc, Marie-Christine vient de s'écrier que si tous les ministres de la Défense du monde se baladaient en berline rose, il y aurait moins de guerre. Oui. Vous avez raison, Marie-Christine, mais imaginez un peu Hervé Morin en bagnole rose bonbon. Ce serait aussi peu crédible que, je sais pas, moi, que si Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, puisait ses idées dans le magazine Cuisine Actuelle. Quoique, Philippe, vous avez suivi ça mercredi dernier, place Beauvau, il y a eu gros remontage de bretelles chez les Pandore. Ah oui, ça, c'est terrible, hein, bah, les chiffres de la délinquance sont mauvais. Et pour corriger le tir, Brice Hortefeux s'est plongé dans la lecture enrichissante du magazine Cuisine Actuelle qui, outre un hors-série spécial poulet, offre en mois de septembre quelques bonnes idées pour Brice Hortefeux. Par exemple, en digne successeur de Nicolas Sarkozy, l'autoproclamé spécialiste des racailles, Brice Hortefeux trouvera un bel article qui met en vedette les cailles. Donc dans le cadre d'une politique de répression et de tout carcéral, le magazine conseille de les mettre au frais. Allez hop, au réfrigérateur. Pour les interrogatoires, l'étude a été poussée. Un mijotage de 25 à 30 minutes suffit, puisque la caille se déguste plutôt rossée. Pardon, excusez-moi Philippe, j'entends une remarque de Brice. Ah oui, qui nous écoute évidemment en ce moment, et qui me fait remarquer qu'il n'y a dans l'article qu'un seul S. Ah, pardon, en effet Brice, la caille se déguste plutôt rosée, pardon, excusez-moi. Alors notre ministre de l'Intérieur a donc bien suivi les conseils de Cuisine Actuelle, et on peut le constater d'ailleurs en lisant le quotidien Libération de vendredi dernier, sur les suites données à la mort de Yaku Sanogo, décédé alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle de police. L'article de Libération nous explique que Brice Hortefeux a passé, je cite, « de la pommade à ses flics ». Bon, à l'inverse, je crois qu'il va falloir attendre pour avoir le beurre en pommade. Ah, ça, c'est pas encore d'actualité. Alors, Hortefeux nous annonce qu'il portera plainte contre eux, tous ceux qui propagent la rumeur d'une bavure policière dans cet accident. Voilà, il faut s'attendre à voir quelques fourgons de police venir chercher les faux témoins. Et d'ailleurs, c'est énorme, spécialement pour le ministre de l'Intérieur. Le magazine Cuisine Actuelle propose page 45, un formidable dossier consacré au panier à salade. Donc, alors, le must, c'est le modèle design hein, qui tourne à grande vitesse et surtout qui ne casse pas ce qu'il a embarqué. Important. Merci, Cuisine Actuelle. Alors, Philippe, justement, mercredi dernier, lors de la réunion Place Beauvau, toute l'élite pandorienne a eu la joie de voir débarquer à l'improviste Nicolas Sarkozy. Ah, on était sûr. Ouais, enfin, la joie, plutôt la trouille, hein, parce que quand notre président débarque quelque part, ça fait du dégât. Ouest France nous raconte ça jeudi dernier, quand Nicolas Sarkozy est arrivé en hélicoptère pour une visite d'usine dans l'Orne. Sylvia Basso, la députée du coin, a été projetée par le souffle des pales et elle a eu le poignet cassé. Ah, j'entends une remarque de Daniel à Flair qui nous dit que comme ça, maintenant, la députée a la preuve que notre président brasse de l'air. Ok, et Daniel, écoutez, attention à ce que vous dites, hein, parce que maintenant, vous savez que l'exécutif a de quoi faire de vous une bouillabaisse express, c'est page 33 de Cuisine Actuelle. Attention. Alors, Philippe, bon, pour finir, j'ai trouvé dans la presse cette semaine le magazine le plus déprimant de la rentrée. C'est Cheval Junior. Le magazine de la passion du cheval. Alors, vous me l'avez montré. Surtout dans le courrier des lecteurs. Il y a tout d'abord une lettre de la petite Alice qui nous raconte avec force détail la mort de Geisha, sa jument préférée. Merci Alice, sympa. Bon, moi j'ai senti la tristesse m'envahir, j'ai pleuré. Hein. Pour me remettre, j'ai regardé le joli dessin envoyé par un autre enfant qui a écrit avec des grosses lettres de toutes les couleurs « Cette ponette est ma préférée et... » Et Philippe, je vous laisse lire la suite. Alors, tenez, regardez. Et cette ponette est ma préférée et elle va devenir aveugle. Elle va devenir aveugle. Bon, Philippe, moi, j'étais complètement déprimé. Alors bon, j'ai lu la lettre de la petite Célia qui nous parle de Chippy. Ah. Chippy, un poney qu'elle a chevauché avec plaisir, mais qui a mystérieusement disparu quand il a atteint l'âge de la retraite. Célia lance un cri de désespoir. Mais où est Chippy ? Philippe, écoutez, j'entends Françoise à Reims qui nous dit que dans l'Union, ce quotidien régional, elle a trouvé le 27 août dernier un article sur Arnaud Caron, un sympathique habitant de Bohain en Vermandois, très à cheval sur les principes, nous dit le journal, et qui traite 5 canassons par semaine, des chevaux de course de préférence, car, dit-il, plus ils sont âgés, plus la viande est tendre. Voilà, vous le savez Philippe, hein, consommer de la viande de cheval était répandu dans l'Antiquité, l'Église en a fait un tabou, voulant lutter contre des rites païens, et ce n'est qu'en juin 1866, sous le Second Empire donc, que le préfet de police Pietri a rendu une ordonnance autorisant l'hypophagie, parce que Pietri, à la différence de Brice Hortefeux, n'avait pas lu Cuisine Actuelle et qu'il a mis fin au taboulé. Merci Monsieur Maudit pour cette savoureuse revue de presse. Passez un bon dimanche, mon cher ami. Le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 169e épisode de La Panique au Mangin Palace et premier épisode de la saison. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter, pour de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Mangin Palace, c'est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Merci à toi, Monsieur Xavier, au platine, au montage et à la réalisation. Il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Rémi Quincé et de Pierrick Monsigny. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Elsa Denac. Pour les Scud et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires, ainsi qu'au formidable documentaliste de Lina, et à Marion Cross, notre nouvelle stagiaire. Et enfin, merci à Yves Lecoq de nous avoir prêté sa voix pour ce premier week-end de rentrée. Yves Lecoq, que vous retrouverez sur scène à Paris dès le 1er octobre prochain.